Chapitre 3e. Dans le coupé qui ramenait les Dargonne du parc Monceau au vieil hôtel de la rue de Lille, le comte répondit à peine aux questions de sa femme. À la fin, elle demanda, surprise d'un silence auquel elle n'était pas accoutumée, « Est-ce que tu es souffrant ?»« Mais non. »« Alors qu'est-ce que tu as ?»« Mais rien. »« C'est singulier, tu as l'air fatigué ou ennuyé. » »« Je sais bien que ce n'était pas drôle, ce dîner, mais enfin... » Nous en avons fait souvent de plus ennuyeux. D'abord, chez les Treuil, on s'ennuie toujours plus ou moins, et aujourd'hui, c'était moins. Monsieur Dargonne répondit, l'air agacé. Je ne vois pas en quoi on s'ennuie chez les Treuil plus qu'ailleurs. Oh, fit la jeune femme surprise. Aussi, on s'ennuie plus qu'ailleurs. C'est tellement pompeux, tellement à la pose. Tu trouves que c'est à la pose quand c'est tout bonnement correct. Et à propos de ce qui est correct, tu aurais dû t'habiller mieux ce soir. Mais, dit Christiane, j'ai mis une robe toute fraîche, que je mettais pour la première fois. Je ne dis pas qu'elle ne soit pas fraîche, mais elle est vilaine, cette robe. Elle n'a aucun chic. Tu t'habilles généralement très mal. Mon Dieu, je suis toujours en blanc. Je ne sais pas comment tu es, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que Madame de Treuil, qui est 100 fois moins jolie que toi, t'écrasait absolument ce soir. Dame, elle a des robes de 50 louis. Les modestes. Et moi, quand j'arrive à 400 francs, je trouve ça superbe. Elle ajouta en riant, et ruineux. Mais tu as assez pour être convenablement habillé. Convenablement, oui. Mais je ne peux pas lutter avec Madame de Treuil, qui dépense par an pour ses robes plus que nous n'avons à dépenser en tout. Tu exagères. Je ne crois pas. Elle s'habille chez Monteau. Et là, déjà, elle en a au moins pour 80 000 francs. Il reste les chapeaux, les chaussures, les corsets. Une dépense que tu n'as pas à faire, toi, les corsets. » Et passant le bras autour de la taille si souple de sa femme, M. Dargonne l'attira contre lui et la serra doucement. Elle s'abandonna, toute heureuse, en disant de sa belle voix grave et caressante, « À la bonne heure. Tu es si méchant quand tu me grondes. »« Je ne te gronde jamais. » »« Si, très souvent. Quand nous revenons de ces vilains dîners, tu as l'air grognon, mécontent, sans que je sache pourquoi. » Si tu voulais aller dans le monde sans moi, j'aimerais bien mieux ça. Te laisser, tu n'y penses pas. Ou alors ne pas aller du tout dans le monde. Je ne peux pas vivre comme un ours. Je ne suis pas comme toi. Je suis d'une nature sociable. Ah oui, fit Christiane presque douloureusement. Tu as l'air de me le reprocher. Songe donc. Jusqu'à 32 ans, j'ai vécu privé de toutes les distractions, moi. Me couchant à 10 heures, me levant à midi, pour trouver moins longues les journées, qui cependant ne semblaient ne jamais finir. Je ne pouvais même pas faire de visite quand il pleuvait. On me donnait tellement peu d'argent que si j'avais pris des fiacres, je n'aurais pas eu de quoi acheter des gants. Aujourd'hui, je veux ma revanche. Tu l'aurais aussi bien sans me traîner à ta suite, ta revanche. Non. Je n'ai pas sans toi de plaisir complet. Et puis toi, tu serais jalouse si tu n'étais pas là. Elle répondit, convaincue. Bien moins que quand j'y suis. D'ailleurs, tu ne m'as pas jusqu'à présent donné d'occasion de l'être. » Elle se serra plus encore contre lui, se faisant toute petite, caressante et câline, et supplia. « Ne m'en donne pas, dit, ne m'en donne jamais. »« Ma chérie, » murmura-t-il affectueusement, « à quoi vas-tu penser là? Tu sais bien que je t'adore. » Il avait posé ses lèvres sur les yeux de Christiane, et il les appuyait, comme pour les empêcher de s'ouvrir aux visions mauvaises. Et cette caresse, tendre pourtant, et bonne et sincère, ne le satisfaisait pas. Elle ne sentait plus cette passion qui autrefois la faisait frissonner tout au moindre baiser de son mari. La voix du cocher qui demandait la porte l'attira de l'inquiétude bizarre où elle se laissait glisser. Elle monta l'escalier en causant avec le comte des courses du lendemain. Il regrettait d'aller tout bonnement à Auteuil en Victoria, et il se demandait, très préoccupé de cette si importante question, « Pourquoi les Treuil emmènent-ils les Vaudancourt plutôt que nous en coach ?» Elle répondit avec indifférence. « Parce que Vaudancourt se sera fait inviter. Il n'y en a pas un comme lui pour jouer de la carte forcée. » Et entrant chez elle, elle commença à se dévêtir. Quand, au moment d'ôter sa robe, elle se vit dans la haute psyché qui s'inclinait sur ses sphinx de cuivre, elle se demanda pourquoi Jacques trouvait que cette robe lui allait mal. Il lui semblait à elle qu'elle était au contraire très jolie dans ce nuage tout blanc, d'où sortaient ses épaules pleines si délicatement rosées. Tandis qu'elle se regardait, M. Dargonne souleva la portière qui séparait sa chambre de celle de sa femme, demandant « Tu n'as pas besoin de moi ?» Elle répondit en sortant du grand cercle neigeux que faisait sur le tapis la robe tombée à ses pieds « Non, merci. Je n'ai besoin de rien du tout. Je me défais très bien toute seule. » Jamais elle ne se faisait attendre par sa femme de chambre. Personne ne l'aidait à se déshabiller. Jamais non plus un coiffeur n'avait touché à ses beaux cheveux fins et lourds. Elle ne pouvait pas supporter l'effleurement des mains banales. Un essayage l'énervait à pleurer. L'idée de sentir quelqu'un près d'elle, dans sa chambre, de mêler à l'intimité de sa vie des domestiques, la dégoûtait. Elle dit, en ramassant la robe écroulée à terre, « Je ne sais pas pourquoi tu lui en veux à cette pauvre petite robe, elle est pourtant jolie. » « C'est toi qui es jolie, mon amour. » Il l'avait prise dans ses bras et l'admirait de tous ses yeux clairs et francs, confiante et tranquille, heureuse de le sentir un peu à elle pendant cet instant, elle demanda, renversant sa tête fine, « Plus jolie qu'avec ma robe, n'est-ce pas ?» Et repoussant M. Dargonne, elle s'écria gaiement en se regardant dans la glace. « Tu sais, j'aime mieux que ce soit comme ça. Au moins, je suis sûre de te plaire sans grands frais de mise en scène. » Elle ajouta en riant, « car les frais de mise en scène, c'est cher et fatigant. »« Tu parles toujours de ce qui est cher. Voyons, veux-tu que j'augmente ta pension ?» Tout de suite, elle se récria, « Jamais, je dépense déjà beaucoup trop. » Au moment de son mariage, le comte avait dit à Christiane qu'elle conserverait pour sa toilette ses revenus personnels. Plus tard, craignant que ce ne fût trop peu, il avait complété les 12 000 francs que, dans sa simplicité, il croyait suffisants pour l'entretien d'une femme élégante. Il était, en fait de chiffon, d'une incapacité absolue, privé d'argent par ses parents, qui agissaient ainsi sciemment pour l'empêcher de faire une noce damnable, n'ayant jadis offert aux femmes que des fleurs ou des bonbons, puis, marié sans transition dès qu'il avait été en possession de sa fortune, Jacques Dargonne ignorait invraisemblablement ce que savent tous les hommes de son monde. Il était persuadé qu'une femme peut, avec 12 000 francs, s'habiller à ravir. C'était d'ailleurs ce que faisait Christiane. Elle était mise très élégamment, mais avec une simplicité relative, trop fine et délicate pour ne pas sentir que les choses tapageuses ont besoin d'être parfaites et devenir des meilleurs fournisseurs. Elle s'habillait très sobrement, dans une gamme un peu terne, faite principalement de blanc et de gris. La forme de ses robes était toute droite, très collante, même lorsqu'elle semblait vague à ceux qui n'y entendent rien. L'absence du corset n'indiquait chez elle ni une prétention ni une pose. Elle n'en portait pas, tout bonnement parce qu'on ne lui en avait pas fait porter dans son enfance et que, plus tard, elle n'avait jamais pu s'y accoutumer. Et comme elle ne pouvait et ne voulait pas se serrer, elle n'était pas, pour la mode, très mince de taille. Elle semblait trop droite, sans assez de hanches, avec, dans la démarche, un je ne sais quoi de très libre qui, à première vue, déroutait un peu. De même, ses cheveux, admirablement épais et doux, de vrais cheveux de soie, ne bouffaient pas comme il aurait fallu, parce qu'elle les soignait et les arrangeait elle-même, redoutant les frisures factices et les ondulations garanties 10 jours. En somme, Madame Dargonne était une beauté trop vraie pour gagner à l'arrangement. Elle le savait bien, et restait telle que Dieu l'avait faite, se disant à part soi que son emploi n'était pas celui des coquettes et qu'il ne fallait pas sortir de son emploi. Très franche avec elle-même, elle reconnaissait sans fausse modestie sa beauté et elle en était heureuse infiniment. Aimante et tendre, sensuelle et passionnée, elle s'avouait que si on lui eût fait choisir l'image à laquelle elle voulait être créée, elle eût, sans hésiter, choisi la sienne. Elle croyait naïvement que, telle qu'elle, elle possédait tout ce qui devait rendre Jacques heureux. Et elle adorait Jacques. Elle le trouvait beau, généreux, élégant, supérieur à tous. Si elle avait pu croire qu'il cesserait un jour de l'aimer, elle serait morte sans un regret. Et lui, l'aimait de tout son amour dès qu'il la retrouvait si belle, se donnant à lui avec un emportement qui le ravissait. Mais dans le monde, au milieu des autres femmes, plus pomponnées, plus chic, plus artificiellement jolies qu'elle, il lui en voulait presque de ne pas savoir tirer parti de sa beauté. Tandis qu'elle se renversait dans ses bras, oubliant déjà ce qu'il venait de lui offrir, il demanda encore, suivant son idée avec une gentillesse têtue, « Voyons, veux-tu 15 000 ? Ce n'est pas le Pérou, après tout. » Elle refusa doucement, s'entêtant elle aussi. « Mais non, j'en ai bien assez, je te dis. Et puis, 3 000 francs, ce serait beaucoup pour ce que tu supprimerais. Rien du tout pour ce que je pourrais ajouter. Pourquoi donc vouloir faire ce qu'on ne peut pas faire? S'acharner à des luttes impossibles. Il n'est pas nécessaire que chacun vive de la même façon. Nous sommes jeunes, bien portants, heureux, moi du moins. Mais nous n'avons pas beaucoup d'argent. Les Treuils en ont énormément. Ils n'ont pas le reste. Comment pas le reste? Dame, je ne les trouve pas jeunes, ni beaux, ni solides. Mais Madame de Treuil n'a pas 30 ans. Hein? Eh bien, elle est mal conservée. C'est encore plus triste. Il demanda. Tu ne la trouves pas jolie, Madame de Treuil? Jolie, non. Belle, peut-être, pour ceux qui aiment ce genre de beauté-là. Tu es difficile? Il y en a tant qui ne le sont pas. Il demanda encore. Est-ce que tu n'as pas remarqué que Morière avait l'air de la serrer de près ce soir? Tous les hommes ont toujours l'air de la serrer de près. Et elle ajouta en riant, même toi. Il se défendit avec un peu d'embarras. Moi, tu rêves? D'abord, je suis très lié avec Treuil et... Oh, ça? Et puis je te le répète, je t'aime. Quand nous sommes seuls, tous les deux, comme à présent, mais dans le monde, va te faire fiche. Comme dit Rosette. Tu feras bien de ne pas parler comme Madame de Givray. Tu ne l'aimes pas? Je l'aime modérément. Elle est mal élevée. C'est-à-dire franche, n'est pas gobeuse. Elle n'admire pas aveuglément les gens en vertu du brevet de chic qu'on leur décerne. Elle veut se rendre compte, elle tâtonne. Elle n'a pas le droit d'être si difficile. Elle n'est même pas jolie. Tu crois ça? Demandons à Monsieur Salomon ce qu'il en pense. Pourquoi dis-tu toujours Monsieur Salomon, au lieu de dire, comme tout le monde, le comte Salomon? Mais parce que je ne donne jamais aux gens leur titre, excepté quand je les présente. Ce n'est pas une habitude française, ça. C'est Rasta en diable. Mais puisque Salomon y tient, à son titre. Il y tient pour ce qui lui a coûté, comme il tient à la suspension des Treuils, et à toute chose en général qu'il a payé de ses deniers. Si nous dormions, ma chérie. Elle desserra ses bras, nouée au cou de son mari, et quittant la chaise longue où elle était assise, elle se mit à aller et venir, achevant sa toilette, tandis qu'il lui demandait, en soulevant la portière pour entrer dans sa chambre, « Mettras-tu une jolie toilette demain ?»« Demain ?»« Oui, à Auteuil. »« Ah, je n'y pensais plus, moi, à Auteuil. Je mettrai une petite robe de laine blanche, qui va bien. Du blanc, encore. Toujours, je n'aime que ça. » Il sortait, lorsque, poussant une exclamation, il revint sur ses pas. « Ah, à propos, et moi qui oubliais de te demander. Quoi donc ? Comment tu trouves mon ami Morière, parbleu ? Mais je le connais si peu. » Bah, il n'est pas difficile de savoir, à première vue, ce qu'il est et ce qu'il vaut. » Elle dit, évitant de répondre nettement. « Je ne suis pas si perspicace. »« Enfin, tu l'as regardé, je pense. Et tu peux au moins me donner ton avis sur son physique. »« Il est très charmant. Il te ressemble. »« Tu rêves, il est 100 fois mieux que moi. »« Je ne trouve pas ça. »« Vous avez tous les deux la même souplesse solide, les mêmes yeux bleus, la même moustache effarouchée. » Légère et pâle comme des cheveux de bébé. Elle ajouta en souriant. Et je m'en rends bien compte que tu as augmenté par tous les moyens possibles cette ressemblance qui n'est pas pour te déplaire, n'est-ce pas? Étant donné que Monsieur de Morière est ton idéal, tu portes comme lui tes cheveux. Comme lui aussi, tu ébouriffes ta moustache. Un peu agacé, Dargonne demanda. Enfin, te plaît-il, oui ou non? Il me plaît physiquement beaucoup. Ce qui veut dire que moralement, il te déplaît. Oh, pas du tout. J'attends pour le juger. Mais ce soir, l'impression a été mauvaise. Ce soir, je l'ai trouvé un peu trop uniquement occupé du chic, de tout ce qui est en général mesquin et factice. C'est Madame de Givray qui t'a fait d'avance les honneurs d'André. Jamais Rosette ne m'a parlé de Monsieur de Morière, autrement que pour me dire que c'est le seul de ses cousins qu'elle aime. Le fait est qu'elle est assez peu aimable pour sa famille, Madame de Givray. Elle est beaucoup plus gentille pour ses amis. Dame, c'est naturel. Les amis, on les choisit à son gré, tandis que la famille, on est bien obligé de la subir telle qu'elle est. Dans tous les cas, tu me feras plaisir en étant gracieuse demain pour André. Demain, où ça? À Auteuil, il y sera sûrement. Oui, il y va avec les Treuils. Ah! Fit Jacques en mordiant sa moustache. Ça ne m'étonne pas, il sera la gloire du chargement. et après un instant, il ajouta avec regret « Ce sera le coach le plus chic, comme toujours d'ailleurs. » Évidemment, un souci le poignait de n'être pas du coach des Treuil. Il restait pensif, roulant dans sa tête des combinaisons pour arriver à ce résultat tant souhaité. Et Christiane, un peu agacée de cette puérilité qu'elle ne comprenait pas, ne put s'empêcher de répondre « Eh bien, tant mieux pour lui !» Il la regarda et avec humeur « C'est singulier, toi qui es si fine. Il y a certaines nuances que tu ne saisiras jamais. Je le crains. » Sans voir l'ironie, il reprit « Comment ne comprends-tu pas qu'il est agréable d'être considéré comme des gens qui ornent, d'être emmenés dans la voiture la plus regardée et la plus admirée ?»« Je trouve beaucoup plus agréable d'être dans une voiture qui est la mienne. Surtout si cette voiture est jolie et bien attelée. Et c'est le cas. Je ne tiens pas du tout à être regardée, moi. » « Jamais avec ces idées-là, tu n'arriveras à rien. »« Mais à quoi donc veux-tu que j'arrive ?»« À être la femme qui donne le là. » »« Comme dit Madame de Givray, que tu aimes à citer. » »« Eh, je ne désire pas du tout être cette femme-là. J'ai des goûts paisibles, une ambition modeste, ou plutôt, pas d'ambition du tout. Je suis absolument heureuse. Il ne me manque qu'une chose. » »« Laquelle ?»« Un enfant. » »« Ça ne me manque pas à moi. » Elle répondit tristement. « Je le sais bien. » Il se mit à rire. « Tu m'en veux toujours de n'avoir pas pris au tragique l'accident que tu as eu ? Franchement, j'avoue ne pas avoir pleuré sur cet accident. De 6 semaines !»« Je ne t'en veux pas. Ça me fait de la peine que tu ne sentes pas les choses comme moi. Voilà tout. On est si heureux sans enfant, c'est-à-dire sans soucis. Et tu serais bien avancé, n'est-ce pas ? Quand ta jolie taille, à laquelle tu tiens tant, serait déformée, ta poitrine fanée. Mais je connais des femmes qui ne sont ni fanées ni déformées, et qui ont des enfants. Ce qu'il y a de sûr, c'est que déformée ou pas, je voudrais en avoir. » M. Dargonne était resté debout au milieu de la grande pièce. Elle vint poser sur ses épaules ses jolies mains nacrées, et les yeux luisants d'amour, elle lui dit de sa voix chaude, qui tremblait un peu, « J'en voudrais tant, si tu savais, tant, tant. » Distraitement, il baisa les yeux qui se trouvaient devant ses lèvres et montrant la pendule. « Regarde un peu, nous sommes fous, il est 3 heures. Nous devrions dormir depuis longtemps. » Elle s'attacha à lui. Il la repoussa doucement. « Je veux que tu sois jolie et fraîche demain à Auteuil. » Elle répondit presque avec colère. « Ce que je m'en moque, ton Auteuil. » Et le regardant sortir, elle murmura, se sentant triste à pleurer, mais narquoise quand même. « Allons. » Ça ne sera pas encore pour aujourd'hui.